Alors, on est lundi 27 décembre, il est 10h du matin et je viens de partir de Port-Louis. Je pense que je pars pour 3 jours, mais on va voir. Première aventure de ce type-là à l'île Maurice, ça fait du bien. Je me suis lancé parce que ça fait à peu près une semaine que je joue à Civilization 5 en continu et que bon, au bout d'un moment, faut passer à autre chose, quoi, faut faire autre chose. Sinon. Le temps est plutôt pluvieux, ces jours gris pluvieux, donc c'est bien et pas bien. Bien parce qu'il fait un petit peu moins chaud, pas bien parce que quand il pleut des fois c'est vénère ici, hein, donc j'ai pas pris de vêtements de pluie parce que de toute façon ça sert à rien vu la température qu'il fait. On est trempé sans même mettre du plastique sur soi, alors ça sert à rien de me fatiguer, à me vêtir. Mais j'ai quand même des vêtements de rechange, des vêtements secs et tout, je pense que ça va le faire. Je commence l'ascension par le pouce, hein, classique pour sortir de Port-Louis sans avoir à se taper la banlieue, quoi. C'est un petit peu la porte de derrière. Et puis après, je pense aller jusqu'à Flac. Alors l'objectif, c'est j'ai mon portable pour enregistrer ma trace. Mais l'objectif, c'est vraiment de partir sans indication, sans internet. Donc voilà, essayer de se connecter un petit peu avec l'île Maurice. Voilà, même si pour l'instant c'est pas évident parce que je suis un petit peu accro au podcast ces temps-ci. J'en écoute genre 10 heures par jour et j'ai du mal à décrocher. Mais bon, sinon, ça promet. Donc là, ça y est, je sors de Port-Louis. Pour sortir de Port-Louis, pour aller vers le pouce, il y a deux solutions. Soit via un espèce de parc qui fait un petit peu parc de santé, mais ça fait un petit peu un détour. Soit en traversant un espèce de bidonville. Enfin, c'est pas vraiment un bidonville, mais c'est des faubourgs vraiment éloignés de Port-Louis et qui sont en assez mauvais état. Il y a encore quelques maisons en tôle. C'est les seules que j'ai vues vraiment à l'île Maurice. C'est que de la tôle. Ils sont encore habités. Même les clôtures et tout sont en tôle. Quelques maisons en dur, mais vraiment en mauvais état, quoi. En dur, j'entends en parpaing, quoi. Et une sorte de décharge, beaucoup de plastique. Ça sent le brûler. Ça brûle assez régulièrement dans le coin, la végétation. Ça sent le brûler, le plastique. Plastique brûlé un peu. Et le tout avec l'humidité, parce que là, on commence à sortir de la ville, donc il y a beaucoup de terre. Donc la pluie, parce qu'il pleut beaucoup en ce moment, la pluie sur la terre, ça fait vraiment une odeur particulière, quoi, tropicale, très chaud, très humide, vraiment pas de vent. Donc voilà. Et voilà, ça fait 30 minutes que je marche et je suis déjà sous la pluie tropicale. Ok, alors je sais pas si on entend là, et ça c'est le bruit du chemin en fait, le chemin est une rivière. Alors, là je suis à peu près sur l'épaule du pouce, donc sur le plateau, je suis sorti de la forêt, et j'ai pas sorti le micro dans la forêt parce que juste il y avait trop de pluie, quoi, c'était trop violent, je voulais juste monter. Ça pleut énormément, bon là c'était vraiment genre une douche, quoi, la pluie violente. Là ici ça pleut beaucoup encore, mais quand même c'est plus gérable. Et ouais, là il y a vraiment beaucoup d'eau. Il y a un petit peu de tonnerre qui tombe sur le sommet, j'entends là, mais bon ça va, c'est pas sur moi. Beaucoup d'eau, putain beaucoup d'eau, vraiment. Mais ça c'est fun. Ça fait du bien de bouger un petit peu, donc on va continuer là-dessus. Bon, ça fait 2 heures que je suis parti, 1h30 qu'il pleut, en continu. Là, je me suis foutu sous un abri de bus, c'est la première fois que je suis un peu à l'abri. Ouais, c'est assez violent quand même. Mais bon, je suis toujours en t-shirt, il fait toujours... Ça s'est quand même bien rafraîchi, mais ça reste très gérable. C'est vrai que s'il continue à pleuvoir comme ça, il va falloir que je me couvre un peu. Parce que j'ai pas de quoi me couvrir, forcément. J'ai pas pris de quoi me couvrir. Mais bon, sinon, c'est tranquille. Là. C'est joli quand il pleut. C'est chouette. J'ai croisé trois femmes assez âgées qui cueillaient des pommes d'amour, des tomates. C'était sympa. Ils ont discuté un petit peu. Et c'est à peu près tout. Non, j'ai croisé aussi une famille de Français, quatre Français. Dans la descente du pouce qui était un peu en PLS parce que leur issue, enfin le chemin ça fait vraiment un ruisseau quoi, donc c'est vraiment ça envoie grave quoi. De l'eau. Sur le pouce j'avais de l'eau pas plus haut que les chevilles, mais c'était assez impressionnant quand même parce que ça fait beaucoup d'eau en fait, parce que le chemin il est très raide, avec beaucoup de courant. Et sinon là dans les champs, dans des ornières, des endroits où l'eau elle s'écoule mal, ça arrive jusqu'au genou sans problème quoi. Et il y a de l'eau partout. Je vois là j'ai un toit en face de moi. Il y a la gouttière qui évacue l'eau du toit quoi, et ça crache, mais ça. C'est la douche quoi. Toujours la douche hein, depuis ce matin. Ok, c'est 13h et comme on l'entend peut-être, je suis à côté d'une autoroute. En fait, je viens de la traverser, c'est une petite 2x2 voies là. Par chance, il n'y avait pas trop de trafic. Ça permet de pouvoir traverser assez aisément, mais c'est vrai que c'est assez étrange de traverser une autoroute à pied. C'est la première fois que je fais ça. Bon, c'est une autoroute, il y a des glissières à sauter, mais il n'y a pas de grillage ni quoi que ce soit, donc c'est quand même assez facile. Il faut juste qu'il n'y ait pas trop de trafic là, ce qui est le cas. Et voilà, et je continue. La pluie a presque cessé, il y a presque du soleil, donc on tient le bon bout. Reste Paul-Louis. Oui. Un petit peu, on va apprendre cause créole. Réunionnais ou non, français. En français. Oui. Ben, moi, je vais partir ce matin de Paul-Louis. Paul-Louis. À pied. Ah bon, à pied. Oui, à pied. Oh mon Dieu. Et Morvie, voilà, Flac. À pied même ? À pied. Ah ben non. Ah ben non, c'est pas correct là. Bonjour, là, vas-y. Attends. Attends, couchant. Dis correct. Ah bah même maman la vidame c'est plutôt que d'artiste là en fait. Bon, tu vas faire. Combien maman? Non, couchant en France hein. Maman la porte là, Ouais. Allez, deux mois quatre. Demande des oranges, des roses. Attends, couche en attente. Avec deux mois le bonbon. Voilà. Oui. Oui. Café. Quatre. Allez, combien fais-tu? Amène-moi la carte tout là, hein? Hey, ça te donne une carte, une vie, te donne une carte aussi, toi. Ouais. Donne. Bon, ça y est, il est 18h30. J'ai fini ma journée de marche là. Je remarchais à peu près 7h30, je pense. Là, il était grand temps de s'arrêter toute la journée sous la pluie au final. J'ai pas été gâté. Au final, sur la journée, j'aurais croisé les touristes français ce matin, les cueilleuses de tomates, la vendeuse de mine, c'est la meuf du snack. Et en dernier, il y a eu un pêcheur que j'ai croisé il y a peut-être 2 heures. J'ai croisé personne depuis, qui était au bord d'un réservoir, là, d'un grand lac. Il pêchait au calme, et très sympa. J'ai vu un rasta vite fait aussi avant le resto, mais je n'ai pas beaucoup parlé. Et donc là, moi, je suis installé... C'est très étrange, en fait, je suis juste à côté d'une prison de haute sécurité. Donc je fais pas trop le malin non plus, quoi. Mais en fait, c'est très étrange, je répète, mais genre, juste à côté de la prison... J'ai repéré des genres de hangars qui faisaient un peu penser à une ferme. Du coup, je me suis approché. Je me suis rendu compte que ça ressemble beaucoup à une ferme bovine, quoi. Enfin, il y a des grandes étables pour garder les vaches, quoi. Et le truc n'a jamais été utilisé, clairement. Ça se voit. Le béton est encore... Il n'est pas frais, mais ça se voit qu'il n'a jamais été utilisé, quoi. S'il y avait des vaches, il y aurait de la merde incrustée un peu partout, même si c'était il y a longtemps. Et du coup, très étrange. Genre, il y a ça, là, qui est vide, vraisemblablement depuis quelques années quand même, parce qu'il y a la végétation qui commence à prendre petit à petit lieu. Donc, je sais pas vraiment pourquoi ça a été fait à la base. Peut-être un truc de réinsertion pour les prisonniers, ou je sais pas, qui s'est jamais concrétisé. Bon, même si les bâtiments sont là, sont debout, sont solides et fonctionnels, quoi. Moi j'en profite, hein, c'est vraiment ce que je cherchais parce que après avoir passé la journée sous la pluie, je suis assez content de trouver un endroit comme ça où mettre mon camp. Donc je vais monter la tente dans une des étables là. Voilà, et quelques parpaings parce que je peux pas. Ma tente est pas autoportante, alors il faut que je cale les sardines avec des parpaings quoi pour la tenir. Voilà. Mais l'endroit est quand même étrange parce que. Il a l'air quand même un petit peu utilisé, mais très peu. Enfin, j'ai vu certains bâtiments qui avaient l'air utilisés. Alors, pas là où je suis, mais du coup, je sais pas trop. Moi, je vais me faire à bouffer mes nouilles, et puis après, je vais glandouiller, essayer de sécher un petit peu, parce que là, je suis vraiment trempé jusqu'aux os depuis 10 heures ce matin. Donc, voilà. Là, je suis vraiment au milieu de la cambrousse. Hein. Il n'y a rien de rien de rien. C'est assez ouf, ça change vraiment beaucoup, même aujourd'hui, vraiment, j'ai croisé très très peu de... C'est un peu fait exprès, je savais que dans ce coin-là, il n'y a pas grand-chose, c'est pour ça que je voulais y passer. Et vraiment, j'ai pas croisé beaucoup de magasins, ou même d'habitations, quoi, très très peu. C'est très étrange pour un pays aussi dense que... Maurice, enfin, c'est pas que c'est étrange, mais c'est que ça change pas mal, quoi. Ok. On est mardi 28 décembre au matin, il est 6h et je viens de reprendre la marche. Du coup j'ai bien campé dans l'étable, j'ai passé une assez bonne nuit, hein, bien à l'abri de la pluie. Bon finalement il n'y a pas tellement plu cette nuit, mais moi j'étais à l'abri de l'humidité qui est imbibée partout dans le sol. Aujourd'hui il pleut plus, alors peut-être ce soir, mais là je suis tranquille a priori pour la journée. On croise les doigts, je vais pouvoir faire sécher un petit peu mes affaires. Donc là, je suis dans la campagne entre Moka et Flac, et vraiment, c'est un endroit où il n'y a rien, quoi. Il y a juste des champs de canne abandonnés, en fait. Il y a la forêt qui reprend un peu, parce qu'il y a encore des cannes à sucre un peu mélangées avec des buissons et tout qui s'entremêlent. C'est très épais, on peut pas... Je peux pas sortir du chemin et du coup bah, comme c'est abandonné bah, y a plus beaucoup de chemin. Donc je fais pas trop ce que je veux. Donc là en fait je suis en train de contourner une grosse prison à côté de laquelle j'ai dormi du coup. Et puis je vais voir si je peux éviter de marcher sur la route, ce serait pas mal. Il y a une route qui passe ici, qui traverse le pays un peu, et du coup mais qui est vraiment une grosse route au milieu de rien. Donc c'est pas ouf de marcher sur cette route là quoi. Voilà. Sinon un petit peu faim, j'ai mangé 3 paquets de pâtes hier, j'avais bien faim. Là je me ferais bien un petit déjeuner ici à base de friture. Il y a les grenouilles qui ont fait énormément de bruit aussi cette nuit. Ça devait être la grosse teuf là. Après les oiseaux au lever du soleil. Et puis maintenant, voilà. Ça commence la journée petit à petit. J'ai presque 8 heures, ça fait presque une heure que je marche. Et maintenant je suis à Montagne Blanche. Donc c'est un peu la ville du coin. C'est pas bien grand, mais bon, c'est au moins il y a plein de magasins, trucs comme ça. Alors, c'est encore un peu tôt, donc ils sont tous fermés. J'ai bon espoir de trouver à bouffer quand même. Parce que j'ai faim. J'ai envie de manger. Rôti, paratha. Paratha ? Oui. Une paratha qui est ici ou là ? Haricot. Ouais. Pomme de terre. Coco. Ok. Et à soir. Ok. Une paratha. Hop hop, petit update, il est 11h24 et je viens de commencer la montée de la montagne bambou. Je me tiens un peu en même temps parce que mon sac me tire bien le dos et la portance c'est pas si ouf que ça. Genre sur le premier jour je trouve que ça allait, mais là vraiment il m'énerve, je sais pas ce qui va pas. Et les bretelles arrêtent pas de se dérégler toutes seules, c'est super chiant. C'est un sac que j'ai pris en test à Decathlon, mais je pense que je vais la rendre, ça, c'est vraiment de la merde. Je pense que c'est des grenouilles. Sympa. Je suis dans la forêt, j'ai perdu le chemin. Et il y a beaucoup de moustiques, bordel. Beaucoup, beaucoup de moustiques. Ça fait très forêt tropicale parce que il a plu beaucoup ces derniers jours. C'est très humide et c'est pété de moustiques. Ça fait chier. Eh, ça y est, je crois que j'ai trouvé le chemin. Enfin, trouver le chemin, c'est bien. Ne pas le perdre, c'est mieux. Les petits points bleus marqués sur les arbres. Le chemin est pas vraiment marqué. Plein de feuilles par terre. C'est humide, les cailloux sont glissants. Il y a plein de végétation, notamment des grandes palmes qui sont à travers du chemin. C'est un peu relou, puis ça glisse. Il faut toujours lever la tête pour voir si il y a bien les points bleus sur les arbres, un petit peu effacés, enfin, pas très visible, mais faut bien vérifier qu'on a toujours les points bleus devant nous. Mais en soi, je dois passer. Voilà. Putain. Un arbre tombé au milieu du chemin. Ah, mais c'est la merde, là. Faut y aller. Putain, mais j'y crois pas, il y avait un point bleu juste là. Je reviens un peu en arrière, je sais que c'est bien par là et pas ailleurs. Putain, ça monte derrière mes JPP. Ça fait toujours des putain d'épingles. Ouais, c'est là. C'est vraiment chaud à suivre le chemin. Ok, alors j'ai atteint l'arête de la montagne bambou. Alors moi j'aime bien les arêtes, hein. Ah, bah c'est que tu risques de t'étouffer avec en mangeant du poisson. Du poisson. Mais parce que il y a du vent. Et le vent, ça tient à éloigner les moustiques. En plus, le chemin est beaucoup plus clair. Alors il y a toujours des toiles d'araignée. Les toiles d'araignée, c'est pas très grave, on en mange un peu. Voilà, je suis sûr qu'il y a plein de sels minéraux dedans. C'est pas si mal pour la santé, quoi. Alors que les moustiques, non, c'était juste les avaler. Mais non, les moustiques, t'as un nuage autour de toi qui te défonce ta tronche. Et ça, je suis pas fan, quoi. Alors voilà, nique les moustiques, vive le vent. Vive le vent d'hiver. Puisque avant-hier, c'était Noël en plus. Ici, c'est l'été, mais on y est quoi. Et ça y est, il est 13h et j'arrive enfin au sommet de cette montagne. Montagne bambou. Bambou. Là, je suis presque au sommet, je suis dans le fourré là. Alors, fou, j'ai un peu mis le rush à la fin parce que ça se couvre. Je sais que la pluie peut arriver assez rapidement. Je suis dans un endroit où moi j'ai vraiment pas envie qu'il pleuve parce que il y a des. Un petit peu d'escalade à faire pour arriver jusque là, des dalles un peu, je crois qu'elles soient trop mouillées, et même plus bas, des petits ruisseaux à traverser, et je sais qu'ici les petits ruisseaux, s'il pleut comme hier, ça fait des putains de rivières, donc pas fun. Oh, là j'y suis, oh, oh ça a de la gueule, ah oh, ça fait plaisir. Je suis juste au-dessus de la mer, de l'autre côté de l'île, de là où je suis parti, donc ça fait ultra plaisir. Oh, c'est bon, ça. Je vois là où je vais aller, Inch'Allah, ce soir. Je vois toute la côte, le récif, bleu clair. Bien sûr, sur la mer, il fait beau, hein, parce que sur la terre, il y a des nuages. Et les cultures. Les petits villages, les bateaux dans les ports, les petits ports. Il y a des élevages de poissons ici aussi, ça ressemble à des grands cercles dans le lagon. Il y a aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Un espèce de bateau qui sert à dégager l'épave, parce qu'il y a une marée noire ici, un petit peu plus d'un an. Donc il y a un bateau en fait, un porte-conteneur je crois, un truc comme ça qui s'est brisé en deux sur le récif. Et du coup il y a un bateau qui est là pour l'en sortir. Et maintenant bah, je vais pas traîner puis je vais redescendre, hein, tant pis pour mon pique-nique au sommet de la montagne. On va faire ça, juste faire quelques photos et puis basta. Ok alors là je suis dans la descente et je viens de croiser un tang. Alors un tang en fait c'est... On m'avait dit que c'était un peu comme un hérisson. Bon, en fait je trouve que ça ressemble pas tellement à un hérisson. Ça ressemble... Parce que ça peut être piquant sur le dos. Après c'est un peu ce nez un petit peu comme un hérisson. Ou ça pourrait ressembler peut-être un peu à un... Une musaraigne je pense ou un truc comme ça. Enfin c'est des genres d'animal avec un grand nez, un grand museau. Et par contre c'est beaucoup moins mignon qu'un hérisson. C'est vraiment une démarche super bizarre. Et là, tranquille sur le chemin, il a pas peur, c'est un peu patou, un peu lent. Je sais qu'il y a les créoles qui mangent ça. Ils savent comment préparer ça. Ça se déplace en fait comme. En fait, c'est un peu maladroit, et un peu moche, c'est un peu comme si un humain se déplaçait à quatre pattes, mais sur les pieds et sur les mains, tu vois. Du coup, ils ont un peu. C'est un peu. Maladroit et un peu le cul surélevé, enfin les pattes arrière un peu trop longues. Il est toujours en train de renifler le sol en même temps avec son super grand nez. Un peu en mode, on dirait un peu un aspirateur. Du coup, c'est très étrange. Ok, salut, c'est Jean-Marc de la post-prod. En fait, il y a un souci avec la suite de l'enregistrement, c'est que bah, quand j'ai enregistré, il y avait vraiment beaucoup de vent et du coup, bah, c'est inaudible. Alors, là, je voulais raconter la fois où je me suis fait mordre par un chien. Donc, le problème à Maurice, en fait, c'est les chiens. Les chiens, c'est vraiment relou. Il y a des chiens... Enfin, plein de gens ont des chiens. Il y a des chiens errants aussi. Alors, finalement, les chiens errants, c'est les moins pires. Parce que eux, ils sont plutôt tranquilles. Ils font jamais chier. Des fois, ils aboient un petit peu. Mais en général, ils font pas chier. J'ai l'impression qu'ils ont plus le souci de survivre que de venir casser les burnes. Le problème, c'est les chiens des gens, ou les chiens errants qui sont nourris par les gens. Alors, mon analyse a sans doute des limites, hein. Je suis pas sûr de ce que j'avance. Mais en tout cas, les chiens des gens, c'est super chiant. À mon avis, ils les baladent pas trop, tu vois. C'est plus pour garder la maison, vraiment. Et du coup, ils sont tous tarés, en fait. Les chiens ici, dès que tu t'approches d'une maison, et bah, tu te fais bien aboyer par les chiens. Il se trouve que en général, les chiens, ils sont complètement tarés, mais ils sont derrière la clôture, donc on peut juste se foutre un petit peu de leur gueule comme ça, et puis voilà, c'est tranquille. Il y a juste une fois où moi je cherchais un chemin et en fait, je cherchais le chemin, donc voilà, j'explore un petit peu et je suis rentré sans vraiment le vouloir dans une propriété privée. Enfin, je me suis rendu compte que j'étais dans une propriété privée, mais il n'y avait pas de chien qui aboyait. En général, les chiens, tu les vois venir de loin, ils t'aboient au mieux quelques dizaines de mètres avant que tu arrives. Donc je me dis, ok, tranquille, vas-y, je cherche, j'explore un peu. Et puis bon, s'il y a un mec, bah voilà, je tape la discute, quoi. Les gens, je sais gérer, c'est pas un problème. Et là, je passe un muret et je vois un molosse, mais genre un truc énervé. Genre, Garou, il m'arrivait à la taille, quoi. Genre, plus d'un mètre, au moins, genre 1m20, un truc comme ça. C'est pas un petit caniche qui t'arrive à mi-mollet ou un truc comme ça. Non, non. Alors, un gros clébard, il lève la tête et là, je vois la rage dans ses yeux. Je vois qu'il veut me défoncer. Et il arrive vraiment en courant, en hurlant sur moi, vraiment, vraiment énervé, quoi. Du coup, pour le maîtriser un peu, enfin. Le maîtriser un peu, j'ai pas fait une clé de bras, hein. Je faisais vraiment pas le malin sur le moment. Du coup, je recule un petit peu, j'essaye de pas lui montrer le dos pour pas qu'il me chope par derrière, mais en même temps de reculer assez vite. Et je vois que plus je recule, plus il se calme un peu. Et quand même, entre temps, faut pas se faire choper les doigts aussi, parce que à un moment, il m'a chopé la sangle du sac, donc c'est, vraiment c'était énervé. Hein. Il mordait la sangle du sac, quoi. Donc, hop, je recule et tout, je vois que ça calme un petit peu, ok. Je suis presque tiré d'affaire, mais je sais qu'il faut quand même pas se relâcher, quoi, parce que le chien est vraiment énervé et il peut me faire vraiment mal. Et au moment où je passe devant la porte, en fait, de la maison, il y a le mec, enfin le propriétaire, quoi, qui sort. Et il dit au chien de se calmer, il me demande si moi ça va et tout. Je lui dis, ouais, ça va, plus de peur que de mal, quoi. Mais voilà, on finit même par discuter vite fait. Enfin, moi, je suis un peu dans l'action, quoi. Donc, je me rends pas trop compte de ce qui s'est passé. Je suis vraiment en mode focus encore. Et là, ça, je me relâche et tout tranquille. Le chien, il est bien dressé, donc il est assis à côté, enfin, tranquille. Et au moment où je m'en vais, je sais pas, ça y est, je suis détendu. Je tourne le dos d'un coup et je m'en vais. Et ce connard de chien, il me chope à la cuisse. Et genre, en vrai, ça va, parce que j'avais un short, et il m'a pas mordu vraiment fort, je pense, qu'un chien de cette taille-là, s'il veut vraiment te défoncer, il te défonce. Mais il m'a quand même bien mordu, et ça m'a bien pincé la cuisse, parce que comme j'avais le short, c'est pas vraiment passé à travers, quoi. Mais ça m'a bien mordu et bien pincé, quoi. Et du coup, j'avais un bon gros bleu circulaire après. Et voilà. Et donc, du coup, bah, maintenant, je fais un peu plus gaffe aux chiens parce que, mine de rien, quand on croise comme ça et qu'ils commencent à t'aboyer, ça en vient vite à montrer les dents, à faire beaucoup de bruit, à te poursuivre derrière. Donc, maintenant, je comprends un petit peu mieux comment ça marche, mais c'est toujours la galère, quoi. Donc, ça, c'est vraiment le souci, quoi, les chiens Maurice. Bon, c'est 15h. J'ai fini la descente, j'en ai plein les pattes, alors je fais une sieste au bord d'une piste et je suis fort bien. Je vais essayer de finir de sécher mes godasses avant la pluie de ce soir, MDR. J'ai hyper mal aux pieds parce que avec l'eau, bah, ça fait des rides et après je marche sur mes rides et du coup ça les marque, ça plie ma peau, quoi, ça fait mal. Du coup, je fais un peu sécher mes pieds aussi. Donc, je voulais revenir un petit peu sur les aspects positifs et négatifs à faire ce genre de truc, donc une marche de plusieurs jours à l'île Maurice, en camping sauvage. Les aspects négatifs, bah, c'est les chiens, ils font chier. Encore que moi, là, j'en ai pas trop eu, mais de toute façon, que ce soit en vélo ou à pied, t'auras toujours des clébards pour te courir derrière et t'aboyer. Il y a les moustiques dans une moindre mesure, encore qu'ils peuvent être très relous, mais ça dépend beaucoup des endroits. Il y a des endroits où il n'y en a quasiment pas et des endroits où il y en a énormément. Voilà. Un aspect négatif. Ouais, il y a la météo, mais c'est pas vraiment un aspect positif parce qu'en général il fait quand même relativement beau à l'île Maurice. Il fait jamais vraiment froid. Il peut faire très chaud, mais où il peut pleuvoir toute la journée. Mais bon, ça reste des trucs qui sont relativement prévisibles, quoi. Et on peut s'équiper en conséquence, c'est-à-dire prendre un chapeau, un peu de crème solaire, de l'eau et puis un poncho, quoi. En l'occurrence, j'ai pas pris de poncho, mais j'aurais pu. Et encore, même sans poncho, ça passe assez bien. Après, sur les aspects positifs, par contre, bah, il y a vraiment que... Finalement, il y a beaucoup d'endroits qui sont très calmes, très tranquilles. Moi, j'ai aujourd'hui, à part le mec à qui j'ai parlé ce matin bah, pour bouffer, quoi, j'ai croisé en fait personne quasiment. Sauf des magasins, quoi, vite fait pour choper à bouffer ou à boire. Et un autre aspect vraiment positif, c'est qu'on peut trouver de la bouffe ou de l'eau absolument partout. Il y a des petites supérettes dans tous les petits patelins. Et du coup, c'est vraiment... Il n'y a pas grand-chose à prévoir, en fait, parce qu'il y a de la bouffe, même en vente directe, partout et tout. Donc, c'est super cool. Il suffit de vouloir s'approcher d'une ville, s'approcher de la ville et acheter les trucs. Et après, on peut se rééloigner de la ville pour refaire sa tambouille. Donc, c'est hyper confortable, ça. Un autre aspect positif, bah, il y a les gens, parce que le plus souvent, juste ils s'en battent les couilles. Mais après, ils peuvent être un petit peu curieux et tout, venir poser des questions, faire une petite discute vite fait. Un autre avantage de marcher, enfin de faire des marches longues à Maurice, c'est que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de sentiers en fait. Parce que dans les cannes à sucre, bah, les cannes à sucre sont globalement quadrillées de sentiers. Alors malheureusement, ils sont assez peu disponibles sur les cartes. Il y en a qui sont disponibles, mais pas tous, loin de là. Mais en fait, comme c'est quadrillé, on s'en fout. Il suffit de prendre une direction et globalement, on y arrive à peu près, quoi. Peu importe par où on passe, il y a toujours des chemins. Donc je dis dans les cannes à sucre, la réalité c'est que c'est pas que des cannes à sucre, c'est aussi du maraîchage ou des vergers. Mais bon, 90% c'est quand même des cannes à sucre ou des anciennes cannes à sucre en fait. Et du coup, c'est très bien quadrillé et c'est assez simple de trouver son chemin. Par contre, trouver un chemin qui passe par des endroits bien précis, genre pour aller à un sommet par exemple, là c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut... Ce qui est cool avec les chemins de canne aussi, c'est qu'ils sont très fréquentés bah, par les paysans, quoi. Et du coup, bah, ils sont en bon état. Alors que dès qu'on s'attaque à un sommet, il n'y a personne vraiment qui les entretient, les chemins de... qui vont au sommet, il y a juste quelques touristes qui vont et quelques locaux passionnés qui vont, mais en fait pas tant que ça. Et du coup, là c'est un peu plus compliqué. C'est mal balisé en général. Après, en allant sur Wikiloc, on peut trouver des gens qui sont déjà allés et qui donnent des conseils sur comment faire le sommet. Wikiloc c'est vraiment le meilleur base de données, voilà, pour d'ailleurs en donner, que ce soit la journée ou. Enfin, plutôt des randonnées à la journée, puisque c'est plutôt des sommets. Et, bon, les sommets sont pas très grands à Maurice, quoi. Et c'est le retour de Jean-Claude de la régie, parce que encore une fois, il y avait trop de vent. Et du coup, l'enregistrement est dégueulasse. Du coup, ça me paraissait intéressant quand même. C'était sur les types d'hébergements à l'île Maurice. Donc, en gros, vraiment, les hébergements que classiques de touristes, c'est les hôtels de luxe ou les trucs type Club Med. C'est pas trop mon truc, donc je vais pas m'étendre dessus. J'y suis jamais allé, puis j'ai pas envie d'y foutre les pieds spécialement. Après, il y a tout ce qui est auberge de jeunesse, camping, c'est très simple, ça n'existe pas. Même pas la peine de chercher, a priori, vraiment, ça n'existe pas. Les gîtes, après, tout ce qui est gîte, ou des fois ils appellent ça des bungalows. En fait, c'est pas des bungalows, c'est des appartements... meublé souvent en bord de mer, c'est pas mal, c'est voilà, en mode un peu gîte, les gens sont sympas en général, bon, y a tout, hein, des trucs bien ou pas bien je suppose, mais bon, voilà. Après il y a Airbnb, en fait c'est un peu le même style. Je suppose c'est juste peut-être Airbnb, tu dois avoir des trucs un peu plus artisanaux vraiment chez des gens. J'ai déjà parlé avec des touristes qu'on avait fait là à Maurice, et apparemment c'est très sympa. Les gens sont sympas, accueillants, et j'imagine que si on est un peu chez l'habitant, ça peut être vraiment sympa. Et enfin, le couchsurfing. Alors pour le coup, le couchsurfing, moi j'ai essayé d'en faire, mais ça n'a pas spécialement marché. Et j'en ai parlé avec une fille qui en a un petit peu fait, et pareil, pas ultra probant. Donc je suppose que ça se fait, mais je saurais pas trop le conseiller, parce que, je sais pas, de mon expérience, c'est pas incroyable ici le couchsurfing. Bon, j'ai quand même bien mal parce que, pour commencer, j'ai mal à la tête. Parce que la chaleur, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse, mais c'est supportable pour les sens, il y a un truc qui se passe dans la tête et ça finit toujours par me foutre mal à la tête. Donc là, comme c'est 16 heures bien sonnées, bah, j'ai bien mal à la tête. Les hanches. J'ai la ceinture des hanches. Quand on met la ceinture des hanches, ça me... Enfin, bon, en tout cas, ça me fait toujours ça. Il faut plusieurs jours pour s'habituer. Et donc là, c'est le deuxième jour. Donc c'est, ça fait bien mal aux hanches, quoi. Ça appuie bien dessus. Mais ça va. Hein. C'est encore gérable. Ensuite, le derche. Bah ouais, hier, j'avais le cul tout mouillé toute la journée. Et comme ça frotte les fesses. Enfin, c'est fait comme ça, quoi. Et bah, ça irrite, ça fait mal. Après... Les chevilles, alors je sais pas trop c'est quoi le problème là, c'est que je dois toujours produire un petit effort en fait pour redresser mon pied quand je marche. Et en fait, bah, ça tire et du coup j'ai le dessus, enfin le. Il y a le tendon d'Achille derrière et l'inverse qui est de l'autre côté, cette espèce de muscle là, qui permet de relever le pied à chaque fois, qui me fait bien mal aussi parce qu'il est bien tendu sur mes deux pieds. Et enfin, mes pieds. Parce que j'ai pris les chaussures Décathlon. J'ai toujours un problème avec les chaussures Décathlon, surtout le pied droit. Il arrive toujours un moment où elles deviennent trop petites. Alors je sais pas si c'est mes pieds qui gonflent ou les chaussures qui rapetissent, mais je me fais toujours niquer. Et du coup, j'ai les orteils qui sont un petit peu les uns sur les autres. Et du coup, ça, bah, ça fait foutrement mal. Parce que ça me fait des ampoules sous les orteils là où... Ils frottent les uns sur les autres, et le summum que j'avais eu de problème avec ça, c'était en Écosse, où j'avais eu genre 3 ou 4 ampoules au même endroit, et dès que j'en perçais une, il y en a une nouvelle qui apparaissait. Au bout d'un moment, je pouvais plus mettre mes chaussures parce que ça me faisait beaucoup trop mal. Alors là, c'est que le deuxième jour, donc j'ai l'ampoule, mais ça va, pareil, c'est gérable. Mais c'est chiant parce que je sais que je pourrais pas faire des trucs très vénères avec ces chaussures-là. Alors peut-être qu'il faudrait que je commence à m'acheter des vraies chaussures et arrêter d'acheter ces merdes chez Decathlon. Mais c'est chiant parce que quand tu les testes, elles paraissent toujours bien. Et en fait, au bout de... Si tu marches deux jours avec, bah voilà, t'es niqué, quoi. Bon, il est 18h30. Le soir commence doucement à pointer le bout de son nez. Et moi j'ai décidé de où je vais dormir, c'est à la plage publique de Palmar en français, et c'est loin encore, donc je vais finir de nuit, ça c'est sûr. J'en ai pour, je dirais, au moins encore 2 heures de marche. Mes pieds me font un mal de chien. C'est horrible. Je m'éclate les petits doigts de pied à chaque pas. J'essaie de penser à autre chose et puis je continue bon an mal an. Bon, c'est 19h, mais finalement j'avance pas si lentement que ça. Donc ça fait bien plaisir, je devrais être d'ici une demi-heure, une heure à Palmar. Et bref, il y a plusieurs choses qui m'impressionnent. D'une part, c'est que il y a des mecs qui ont réussi à faire pousser des cannes à sucre, des genre beaucoup de cannes à sucre dans un endroit pareil. Faut voir que c'est plein de cailloux. Vraiment, ça ressemble vraiment, hein, c'est désolé quoi. J'imagine le boulot qu'il a fallu faire pour abattre les forêts ou assécher les marécages qu'il y avait là. Et après, bouger des tonnes et des tonnes et des tonnes de cailloux, soit au milieu des champs, donc il y a des tas de cailloux au milieu des champs concrètement, soit au bord des champs. En gros, la route passe sur, elle est surélevée, elle est faite sur un mur de cailloux qui fait entre 1 et 2 mètres de haut selon les endroits, et donc qui fait, elle est large, la route elle doit faire 4 mètres facilement de large, donc ça fait quand même des sacrés ouvrages quoi. Et bien sûr sur des kilomètres quoi. Et c'est vraiment comme ça, c'est un territoire plein de cailloux avec des cannes à sucre qui poussent partout entre les tas de cailloux. Donc, à chapeau. Bon, voilà, donc là il est 19h30, ça y est, la nuit est tombée. Et je suis en train de traverser un village et je vais juste donner une idée de ce qui se passe quand on traverse un village à Maurice. Ok, et c'est encore Jean-Michel de la post-prod, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de vent ce soir-là. Alors en gros, pour ma dernière soirée, donc là, enfin la deuxième soirée, quoi, hein, ça n'a pas duré non plus une semaine. Donc pour la deuxième soirée, j'ai dormi à la plage de Palmar, non loin de Flac, du coup, vers l'île aux cerfs. Bref, très très sympa, très très jolie plage. Pas mal de vent du coup, un peu un problème mais un peu un avantage aussi, parce qu'encore une fois, s'il y a du vent, il n'y a pas de moustiques, ça c'est vachement cool quand même. Du coup, j'ai dormi au bord de la mer, c'est vraiment un endroit qui se prête très bien au camping. Enfin, il y a une grande pelouse sur laquelle on peut se poser au bord de la mer, c'est vraiment super tranquille. En plus, le récif est vraiment près de la plage, du coup... On voit bien, la mer est assez énervée, on va dire, et on le voit bien, et c'est assez sympa à regarder. Après, des petits problèmes quand même, bah, c'est que la mer plus le vent plus la pluie, parce qu'il y a eu un petit peu de pluie aussi pendant la nuit, ça fait quand même un volume sonore assez important, donc c'est pas évident pour dormir. Et d'autant plus que j'ai eu la bonne idée de me poser à côté d'un genre de parking. Enfin, c'est pas vraiment un parking, c'est un endroit où il y a du sable, quoi, où les voitures elles peuvent venir se garer. Et il y a des mecs qui se sont pointés vers minuit, 1h du matin. Là, ils font des genres de soirées parking, je suppose, dans leur voiture, genre juste picolés au bord de la plage. À mon avis, ils sortaient pas parce que de toute façon, il pleuvait et il y avait du vent. Et genre juste avec la musique à fond, donc juste ça m'a cassé les couilles. Mais à part ça, bon voilà, plutôt sympa. Avant la nuit aussi, enfin avant la nuit, avant d'aller me coucher, je voulais, j'aurais bien aimé aller me baigner un petit coup histoire de me décrasser. Bon, même si ça reste la mer, c'est pas super propre, mais c'est toujours plus propre que baigner dans son jus depuis 2 jours. Le problème, c'est que bon, la mer était un petit peu énervée quand même. En plus, il faisait nuit, donc bon, deux trucs déjà pas ultra rassurants. Et au moment où je m'approche avec la lampe, genre pour voir s'il n'y a pas des poissons ou des trucs comme ça, puis parce que je veux me baigner aussi, du coup, forcément, je vois une murène, mais genre, ouais, qui faisait un petit mètre de long, qui était vraiment au bord, mais au bord, dans 10 cm de fond, je sais pas, avec les vagues en plus. Et ça m'a un peu découragé. En plus, il commençait à pleuvoir à ce moment-là. J'ai dit, ouais, bon, allez, laisse tomber. Je vais me faire des nouilles instantanées et puis dodo. Bon, voilà. Au petit matin, la plage était vraiment magnifique. Il n'y avait personne. Alors, je ne sais pas si c'est habituel qu'il n'y ait personne là-bas, mais c'était vraiment cool. Après j'ai plié la tente, voilà, je suis parti vers 6-7 heures du matin, et puis j'avais extrêmement mal aux pieds. J'ai marché entre 5 et 10 km, je sais pas, non, je pense à peu près une heure, donc à peu près 5 km vers Belmar, et là j'ai arrêté parce que là j'avais vraiment trop mal aux pieds. Et à partir de là, j'ai pris le bus et je suis rentré à Port-Louis. Voilà, donc bilan de l'aventure. Sur le premier jour, j'ai fait environ 30 bornes sous la pluie. Sur le second jour, j'ai fait environ 40 bornes. Et voilà, à peu près 5 et à peu près, ouais, c'est ça, 5 km sur le troisième jour. Ce qui fait à peu près 75 km au total, donc c'est honorable. Et un petit 1000 mètres de dénivelé, je pense, parce que j'ai fait deux petits sommets du coup. Voilà, c'était bien sympa. Peut-être que je vais remettre ça, je sais pas. Sur ce, je vous laisse avec mon arrivée à Port-Louis dans un bus bien boosté aux basses. Allez, bye. Je vais pas finir ma vie.